what's up? Baby, let's go. Mag Info sur Benke FM. À Boaké, la commémoration de la 17e journée mondiale de lutte contre la rage s'est tenue au centre de santé urbain de Belleville le mercredi 4 octobre 2023. C'était donc le lieu pour le président du comité local de lutte contre la rage, Traoré Lokuo, de révéler les dispositions prises par le gouvernement afin d'éradiquer cette maladie. Conscient de ce qui se passe à travers le monde, surtout en Afrique, où toutes les 10 minutes, une personne meurt de rage, tous les gouvernements, le monde entier se sont engagés à fixer un objectif, zéro cas de rage d'ici 2030. C'est ainsi que le gouvernement a mandaté les deux ministères concernés, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère des Ressources animales halieutiques, pour mener ce combat pour l'éradication de la rage. Kwasi Damis Pokin, représentant de l'Institut national de l'Hygiène publique, INHP, a informé les parents et les élèves sur le motif de l'organisation de la journée mondiale de lutte contre la rage. Pourquoi une journée mondiale? Tout simplement parce que Papa Traoré l'a dit, la rage tue. Chaque année, environ 55 000 personnes dans le monde qui décèdent de la rage. En Côte d'Ivoire, c'est environ 20 à 30 personnes qui meurent de la rage chaque année. C'est beaucoup. Plus de 120 personnes ont bénéficié d'une formation en ligne sur la rage. Ces formés comptent donc sensibiliser les populations afin d'atteindre l'objectif fixé pour 2030, qui est d'avoir un bilan de zéro victime de rage. Je m'appelle M. Yao Koko André, service de communication au service Esmos Yepi Boaké Belleville. Sur le terrain, nous allons aller dans les écoles primaires pour sensibiliser les enseignants, pour les former et à leur tour former les enfants, informer la population pour que les enfants soient vraiment sensibilisés sur la rage. Je suis mademoiselle Kofi Amenan Ginevic Emma, institutrice à l'école primaire Belleville 1, titulaire de la classe de CP1. L'engagement que nous avons décidé de prendre, c'est de sensibiliser les enfants qui passent plus de temps avec nous à l'école sur la rage et sur les conséquences de la rage. Je tenais à vous dire merci pour cette formation qui est vraiment la bienvenue parce que nous-mêmes n'étions pas informés sur certaines choses. Et de par cette formation, sincèrement, moi, j'ai appris beaucoup. Et je tenais vraiment à vous dire merci. Et vraiment, nous nous engageons. Nous tenons fort d'être les ambassadeurs de cette action. Selon la médecine, la vaccination reste le meilleur moyen de protection contre la rage, aussi bien pour l'homme que les animaux. C'est une garantie pour la bonne santé de la famille et la communauté. Mag Info, c'est toute l'actualité de la région du Bekin en un clic.